Il y avait des fêtes familiales où vous dansiez? Bon, ben pour la Noël, quand on se réunissait pour la Noël, pour le jour de l'an. Comment ça se passait la Noël? Ben, la Noël, on avait le soi-disant le grand gros souper qui consistait à manger surtout des légumes. Des légumes et du poisson. Et puis alors, on allait à la messe de minuit, et au retour de la messe de minuit, alors on faisait le gros souper, on faisait le réveillon. Alors il y avait tout ce qu'on peut s'imaginer, on fait des desserts, il y avait les 13 desserts. Et puis, c'est quoi les 13 desserts? Alors, c'est compliqué. C'est au piège. Il y a les figues, les dattes, les noix, les noisettes, le raisin sec, le nougat blanc, le nougat noir, la pompe taillée, la pompe à l'huile. Puis qu'est-ce que c'est qu'il y a encore? La bûche de Noël. On en est à peine à 9. C'est pas les dates, tout. Les dates, on les a énumérées déjà, oui. On les a énumérées, oui. Les mandarines, les oranges, les choix. Eh bien, ça y est, ils sont les 13. C'était traditionnel, ça? Ça, c'était traditionnel. Ah ouais. La bûche aussi? Oui. Et il ne fallait pas... Il ne fallait rien casser. Et puis, il ne fallait pas lever le couvert. On laissait le couvert, table mise, table garnie. Pendant combien de temps? La nuit, à l'attente d'un pauvre. Soi-disant. Oui. C'était la tradition. On attendait le pauvre. Vous faisiez cacio-pio avec un... Oui, avec le vin. Alors comment tu faisais? On envoyait un verre de vin sur les sur les bûches. Sur les bûches, enflammées. C'était le plus ancien qui faisait ça. Il disait quelque chose? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Oui, on disait quelque chose, mais quoi? Il disait peut-être à l'an qui vient, c'est un pas mal, que c'est un pas mal, quelque chose. Ah bah ça c'était pour aujourd'hui. Bah, même pour la Noël, tu pourrais dire. S'il y a eu une formule? Non, ça j'en sais pas. Oh, c'était surtout grand-père Félix. Moi je l'ai eu fait le verre de vin dans cette cheminée là. Et quand on brûlait du bois. Il n'y avait pas une bûche qu'on se gardait de côté pour le soir de Noël qui devait bien durer? Non. Ah, oui, la grosse bûche. Où c'est que tu l'avais ici, la grosse bûche? Ah, bah ici non, mais en principe on gardait toujours une grosse bûche qui soit bien sèche. Et qui brûle bien, qui fasse une belle flambée. Et puis elle durait ce qu'elle durait. C'était une bûche de quoi? De bois de chêne, du bois dur. De chêne, de pain ou de chêne, il n'y a que ça. Une grosse bûche de chêne, surtout. Et la pompe à l'huile, qui la faisait? Ça, c'est plus calé. Plus personne n'en fait maintenant, même les pâtissiers. Mais autrefois c'était les boulangers qui faisaient ça. C'est boulanger qui, c'est pas un produit de pâtisserie, c'est un produit de boulangerie. Et vous la gardiez la pompe à l'huile? Oh oui. Elle se conserve. En plus elle est sèche, meilleure elle est. Vous n'en gardiez pas un morceau pour l'année ou quelque chose comme ça? Ah non, la pompe taillée comme on appelle. Mais je... Il y a encore Chabert qui en fait. Oui, mais la pompe à l'huile, j'ai lu sur un journal qu'on en refait encore la pompe à la flamme. Je sais pas si c'est tout bossé. Ou si c'est au Castellet. Ça c'est vraiment beau. Hein. Ah ouais. Je sais qu'on arrose la pompe avec de l'huile, que l'on recouvre de sucre. Alors ça fait ce caramel à l'huile, et ça se flambe. Le four est très chaud, ça se caramélise et ça s'enflamme. Il y avait l'oncle Coulon qui savait le faire. Noël s'est passé comme à Régnier. Oh, c'était génial.